the shadows. Elle rêve plus la petite fille de banlieue. Elle n'a plus la photo des idoles qu'elle cachait dans ses livres d'école. C'est fini. Ils sont tous mariés sans problème. On s'écrit.